Alors, moi, j'étais resté à la première version de votre article, hein, qu'on m'avait envoyé. Alors, j'ai réfléchi sur cette version. Et ce qui me semblait le problème, c'est que ce que vous disiez me convainquait tout à fait, puisque vous avez des compétences d'indianiste évidentes, et que évidemment l'Inde est un territoire incontournable quand on parle de déification. La difficulté, me semblait-il, c'était, alors elle est en partie levée par l'intervention de tout à l'heure de Dominique, c'était quand même de savoir comment sortir des faits indiens pour parler de la déification plus en général et trouver éventuellement une problématique commune, parce que justement, quelle est la spécificité, la singularité, éventuellement l'extravagance ou au contraire la normalité des faits indiens. On peut se poser la question. Et donc c'était ça, me semble-t-il, la difficulté que posait votre article et qui n'était pas résolu dans l'article. D'ailleurs, vous le disiez vous-même explicitement dans une petite note. On voyait bien, il y avait l'effet indien, mais comment passer d'un dossier empirique très riche, qui est celui de l'Inde, à des conclusions plus générales, s'il n'y a de science que du général. Alors c'est dans cette perspective-là que je vais réfléchir à votre affaire. Et alors, vous étiez parti ensuite de considérations sémantiques sur la formation des mots, alors ça vient d'être fait. Je crois que je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que déifier en français apparaît au XIIIe siècle, hein, ce qui est bien dans le contexte vraisemblablement, et ce serait intéressant de savoir dans quel contexte était. C'est très simple. Hein. Ouais. L'édification en français intervient essentiellement, alors XIIIe oui, mais massivement XIVe siècle, dans le contexte des grandes traductions entreprises par Charles V. Ouais. Et de quoi ? La Cité de Dieu. Ouais. Toutes les œuvres de référence que sont par exemple Aristote, par Nicolas Aurem, donc vraiment dans un contexte politique très très particulier qui sont les commandes de Charles V. Et divinisé apparaît plus tard au XVIe siècle, donc dans un contexte sans doute de la Renaissance et des fonctions et des références à l'Antiquité, divinisation beaucoup plus tardif, en 1842, ce qui est assez curieux. Bon, c'est le mot, mais c'est l'époque où il y a les grands débats, hein, de l'histoire des religions sur la christologie, hein, 1840 et les années suivantes. Donc il y aurait sûrement une enquête à faire là-dessus. Alors, il y a une longue histoire culturelle de la déification en Occident, soit dans le contexte de l'Antiquité, soit dans la relecture de l'Antiquité par le christianisme, comme ça a été démontré tout à l'heure, soit aussi justement dans l'époque moderne, parce que la divinisation, la déification, le mot apothéose revient en 1581, hein, c'est pas un hasard, à un moment où, avec les guerres de religion, va apparaître l'absolutisme, hein, et quand même une certaine divinisation de la fonction royale. Hein, c'est sans doute dans ce contexte-là qu'il faudrait réfléchir. Alors moi je crois que je soulignerai d'emblée que apparemment toutes les religions ne sont pas également préoccupées de la divinisation ou de la déification. Je crois vraiment qu'il y a une histoire, une géographie, une sociologie de la divinisation et de la déification. Et je crois qu'il faut partir des contrastes. La religion romaine archaïque ne la connaissait pas. D'ailleurs, la divinisation de Romulus, c'est Tite-Live quand même, hein, et il est le seul à en parler, hein, c'est quelque chose de tardif, hein, il ne semble pas qu'il y ait eu une divinisation ancienne de Romulus, hein, c'est une espèce d'héroïsation qui s'inscrit à l'époque impériale, hein, la religion d'Homère et de Pindare, la vieille sagesse des Grecs, ne pensait pas que la parenté des hommes et des dieux, il y a une parenté des hommes et des dieux, il y a une syngeneia, comme ils disent, mais justifia que les hommes prétendissent à leur ressembler. Hein. les dieux seuls sont des immortels et des bienheureux. C'est les deux caractéristiques qui font la frontière entre le monde humain et le monde divin, hein, l'immortalité. L'homme n'est pas immortel, et puis les dieux sont bienheureux, hein, ils sont makarios. Et les hommes sont bien avisés de ne pas chercher à les imiter. Cette imitation des dieux dans leur divinité, c'est l'hubris même. Hein, c'est l'excès. Hein, c'est la rupture des distances et des limites que doivent imposer les rites. Hein, alors c'est Prométhée qui sort de la condition humaine, qui attente au domaine des dieux. Alors, je crois que ce qui est fondamental et ici important, c'est qu'il y a par un renversement de valeurs absolument extraordinaire, hein, venu des marges de certains courants dans le monde grec, comme l'orphisme et les courants dionysiaques, hein, du dionysisme, et même, et surtout peut-être, de certaines traditions philosophiques, comme le pythagorisme, en allant jusqu'à Platon, en passant peut-être par Empédocle, hein, il y a quand même je suis allé voir là dans Bollac, là, le grand texte d'Empédocle, où il dit quand même, alors c'est tout de même, c'est étonnant, « Réjouissez-vous, pour vous, je suis un dieu immortel, je ne suis plus rien de mortel. » Alors là, il franchit la frontière du divin. Alors, est-ce que c'est du chamanisme, comment expliquer ça, hein, c'est dans l'édition Bollac, les purifications. Hein. Bon. Alors, ces courants du platonisme repris par les philosophies hellénistiques, que la quête de la ressemblance avec Dieu, par la vision, par le contact senti ou transformant, par une sorte d'identification avec les dieux, devient la fin de l'homme, le telos de l'homme. Alors ça, ici, il y a un grand texte dans Platon qui est tout à fait extraordinaire. Ça, là, on voit le renversement platonicien, c'est-à-dire Platon invente une sorte de mysticisme, hein, où Platon dit « La fin de l'homme, c'est de rechercher la ressemblance avec Dieu. » Il ne dit pas divinisation, mais il dit homoiosis, hein, homoios, semblable. Et ce qui est fabuleux, je crois que, alors pour un sociologue girardien, c'est extraordinaire, parce que c'est une révolution dans le divin. On voit bien que les autres disaient, faut pas imiter les dieux, l'homme ne doit pas imiter, parce que s'il imite les dieux, il rentre en rivalité avec les dieux. Alors que Platon dit, la fin de l'homme, c'est imiter les dieux. Et ça suppose une transformation de l'idée de Dieu. Et d'ailleurs, Platon le dit d'un mot péremptoire, et on voit bien quel est le thème derrière, il le dit dans l'Épinomis, « Le Dieu s'ignorerait lui-même en étant jaloux de l'homme. » Le divin, étant rationnel et bon, hein, soumis à l'idée de raison et l'idée de bonté, ne peut pas être jaloux de l'homme. Donc il ne peut pas punir les hommes qui veulent devenir divins. C'est la révolution platonicienne, il y a une révolution. Et c'est la base de tout ce mysticisme qui va ressortir dans et qui va être constamment repris par les néoplatoniciens, les pères de l'Église, etc. Donc là, il y a quelque chose de fondamental qui, je crois, doit être souligné. Alors, qu'est-ce qui va amener cette transformation ? Ben, c'est toutes les transformations du monde gréco-romain, l'effritement de la religion politique de la cité, la diffusion de la philosophie, puis le culte des rois et des empereurs, puis le succès des religions à mystère. Bon. Alors, la deuxième remarque que je ferai, c'est que je crois que les traditions monothéistes, plus fortement encore, par leur insistance sur l'unicité et l'absolue transcendance de Dieu par rapport au monde et à l'âme créée, ont rendu le thème de la déification d'abord suspect. Il est étranger, vous l'avez dit, vous avez raison, la Bible ignore le vocabulaire de la déification. D'ailleurs, elle est présentée comme la grande tentation, Genèse 3:5, vous serez comme des dieux. Ah. Et donc, ce vocabulaire est étranger encore au Nouveau Testament, et les premiers auteurs chrétiens l'évitent parce que les Grecs l'employaient. Pourtant, vous l'avez bien dit, il y a des germes, l'homme image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. le thème de la filiation divine adoptive, de la régénération et de la nouvelle naissance, qui vont permettre au père grec d'introduire le thème de la divinisation, de la déification au cœur de la sotériologie chrétienne, avec ce thème majeur, le grand argument dans les querelles christologiques, le Christ est Dieu, et il est Dieu fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. C'est la formule de saint Irénée, cette espèce de grand système d'échange qui tourne autour. Alors, c'est vrai que dans l'augustinisme, il y a quand même... Le thème est moins net que chez les pères grecs. Il y a un certain retrait du thème de la divinisation, mais il revient dans la grande scolastique au XIIIe siècle, en particulier sous l'influence de Denis. Et à partir de là, il va se développer dans le mysticisme, toute la grande tradition mystique du XIVe, de Maître Eckhart jusqu'à Saint Jean de la Croix, etc. Et en même temps, à la même époque, je crois qu'il y a des courants qui pourtant sont fondés sur des théologies de la grâce qui refusent la divinisation dans les courants les plus radicaux du protestantisme. De ce point de vue-là, Weber a encore raison, les puritains sont bien des sécularisateurs, même s'ils sont suspendus à la grâce divine, parce que chez eux, il n'est absolument pas question d'une divinisation de l'âme humaine. Donc, la sécularisation commence aussi par une forme de dédivinisation. Alors, après, évidemment, on peut se poser la question si, dans les trois grands monothéismes, le christianisme semble avoir fait la part la plus belle à la déification, est-elle totalement absente des autres ? Alors, elle l'est assurément quand il reproche au christianisme d'avoir dévié de la foi monothéiste en divinisant son fondateur. Là, il y a une rupture très nette sur le thème de la divinité de Jésus. C'est quand même la rupture majeure, sans doute, entre les trois monothéismes. Mais, néanmoins, le statut du Coran, seule médiation divine, qui est non seulement seule médiation entre l'homme et Dieu, parole incréée et dictée. Donc, le Coran, c'est plus qu'un livre sacré. C'est une parole divine, et c'est une parole divinisée. Donc ça pour l'orthodoxie sunnite. Et si on passe dans le chiisme, la théorie des imams, les imams sont des créatures, mais ils ont une préexistence. Et d'ailleurs un commentateur qui est de chez vous, là, Amir Moedzi, dit bien que Ali, le premier des imams, et l'illustration par excellence de cet homme divin qui est le guide suprême. On a quand même une quasi-divinisation à partir du thème de la lumière mohammadienne, etc. Enfin, je vous renvoie à Corbin, mais dans le chiisme, il y a quand même un problème de la divinisation des imams. Et donc, évidemment, dans le monothéisme, il y a toujours une sorte d'abîme insurmontable entre Dieu et l'âme, entre Dieu et la créature, mais il y a aussi quand même le problème de la mystique et du statut de la mystique en islam, qui ont posé la question de la relation ultime de l'âme avec Dieu. Alors, sans insister même sur la sentence litigieuse d'Al-Hallaj qui a fasciné Massignon, mais Al-Hallaj disant « Ana al-Haq », je suis la vérité avec un grand V, la vérité en soi, c'est-à-dire je suis Dieu en soi. Alors, est-ce que c'est de l'autodivinisation ? Est-ce que le thème est là ? Enfin, le problème est posé. D'ailleurs, faudrait y regarder de plus près, mais je suis d'accord quand Scholem écrit « Dans les grandes religions monothéistes demeure et se développe dans la connaissance toujours, certes présente de cette polarité de l'existence, d'un abîme qui ne peut jamais être franchi entre Dieu et l'homme, c'est vrai, il y a un abîme, mais cette distance est aussi une incitation à entreprendre l'ascension, le voyage céleste qui rapproche du trône divin, Et d'ailleurs, dans les formes les plus anciennes de la mystique juive, celle de la Merkava, et dans la littérature des Echalot, l'homme peut finir par se hisser au-dessus des anges, et peut-être même de Dieu lui-même. Je vous renvoie ici à Schaeffer. Hein, et donc, il y a aussi au moins par moment, par contact, hein, épisodiquement, hein, des instants où on peut parler peut-être d'une forme proche d'une divinisation. Alors aujourd'hui, la sociologie et surtout l'ethnologie rencontrent le problème de la relation au Dieu et à la divinification dans deux grands secteurs. D'une part, dans les sociétés où fleurissent la transe et la possession, qui en effet, je suis d'accord avec vous, est assez loin apparemment, mais enfin c'est quand même un substrat de ce problème, et dans des systèmes religieux complexes comme celui de l'hindouisme. Et donc, je suis d'accord avec vous que dans l'hindouisme, la déification porte soit sur des objets, des animaux, des représentations, en l'espace national, hein, Bharat Mata, la Beringue, c'est l'espace qui a été divinisé, hein, qui est la déesse de l'Inde, ou l'Inde assimilée à la déesse, plus vraisemblablement, hein, qu'une figure. Alors, le cas le plus frappant, en effet, c'est cette déification des renonçants, des gourous et des fondateurs d'ordre ou de secte. À cet égard, je vous signale une étude que vous ne mentionnez pas, enfin, il n'y avait pas de bibliographie dans votre texte, mais je pense que l'ouvrage de Madame Clémentin Odja est tout à fait remarquable. Je ne sais pas si vous le connaissez, publié en 1990 à Nanterre, hein, La divinité conquise. La divinité conquise, c'est un... Pardon ? Elle s'excuse d'ailleurs de ne pas être là. Oui, ah oui. C'est un ouvrage passionnant. Il s'agit d'une jeune fille née au Bengale oriental à l'époque anglaise, dans les années en 1921, et puis qui donne des signes très jeunes, bon, à travers une maladie, puis après des états, on va dire théopathiques. Hein, la famille va se demander quand même qu'est-ce qui se passe dans ce personnage. Et puis elle a un lointain cousin qui se convertit, c'est une famille Shakta, hein, ils sont adeptes de la grande déesse. Et elle a un lointain cousin qui s'appelle Shishir Kumar, qui lui se convertit au vishnouisme. Enfin. Et qui amène dans la famille son gourou, Santadas, qui est un personnage tout à fait intéressant. Hein. Et ce gourou va convertir la famille au vishnouisme. Hein. Et la jeune fille va être très impressionnée par ce gourou. Bon, on ne sait pas très bien comment exactement tout le détail des relations. Elle l'a très peu vu. Et en 1936 ou 7, il l'initie, il lui donne le mantra qui l'a fait rentrer dans la secte auquel appartenait ce gourou, des Nimbarka. Et il meurt, ce qui a encore dramatisé sûrement les choses, en rentrant dans son ermitage, dans le train qui l'emmène. Et alors après, elle va développer des phénomènes qu'on va dire mystiques entre guillemets, et elle va être prise pour l'incarnation de Krishna et de la grande déesse de Kali. Et elle a fondé, après la guerre, elle a fondé, après la partition du Bengale, elle est venue à Benares, où elle a fondé un ashram qui a été étudié par un travail de terrain de Mme Clémentin Odja. Alors c'est un cas absolument, absolument extraordinaire, parce qu'on y voit plein de choses, enfin, le processus. Et alors c'est là que je suis peut-être moins d'accord avec vous sur votre distinction de l'autodéification et de l'hétérodéification. Quand il y a autodéification, je dirais, il y a une charte de la déification. Il y a un parcours, comme vous l'avez bien dit en finissant, on a une représentation du divin, et on sait ce qu'il faut faire pour se diviniser. C'est-à-dire, où il y a des systèmes de sacrements, où il y a du culte des images, où chez vos tantriques ou chez certains ascètes, il y a des pratiques un peu plus hautes, mais qui sont des pratiques de transgression parfaitement codifiées. Hein. Donc, il y a quand même un programme, quelque part. Et d'autre part, quand on étudie un cas comme la divinisation d'un gourou, moi ça me paraît tout à fait un processus d'interaction. Les gens ne projettent pas immédiatement sur la personne qui est Krishna, mais il y a, je crois, trois choses. Il y a un système du divin, hein, qui est celui de la mythologie hindoue. Il y a des signes qui sont lisibles sur une personne, qui donnent des signes. Hein, et il y a un énorme travail d'interprétation jusqu'à l'arrivée d'un consensus. Et une fois que le consensus est fait, il y a un culte. Et à ce moment-là, c'est dans le culte que se reproduit ce processus de divinisation. Moi, je pense que la divinisation, c'est une des hypothèses que je fais à la fin, a énormément à faire avec la théâtralisation. Et c'est pour ça que, malgré tout, elle a à voir avec la possession et la transe. On est au cœur, et d'ailleurs, dans l'hindouisme aussi, les acteurs sont l'incarnation des entités. Par exemple, dans le théâtre, le Mahabharata, etc., sont l'incarnation des dieux qui jouent. Donc, on est dans des jeux d'identité. Hein, il faut toujours imaginer que l'homme a plusieurs identités et que le théâtre, enfin, ou le rituel, c'est ce qui règle les identités. Hein, c'est ce qui déplace les identités, c'est ce qui substitue les identités. D'ailleurs, on le fait encore chez nous. La reine d'Angleterre, elle rentre à Westminster, elle est une héritière, elle sort, la cérémonie, elle est reine d'Angleterre. C'est le rituel. Je crois que notre difficulté à nous, on pense la déification en termes d'ontologie. On est des platoniciens, mais eux, ils sont pas dans l'ontologie d'abord, ils sont dans des pratiques. Et la part des rituels est colossale dans cette affaire-là, me semble-t-il. Alors, et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est ça que nous on a du mal à imaginer, c'est que la déification puisse être un état passager, momentané, qui n'est pas nécessairement toujours permanent. Alors, donc, on pourrait développer ça sur l'Inde, parce que je vous dis, il y a ce livre-là, le livre de Clémentin Hoxha me paraît vraiment très remarquable. Bon, j'en ai là écrit des pages là-dessus. Et puis, je crois qu'il faudrait le compléter par celui de Boise. Je ne sais pas si vous voyez la déesse apaisée. Hein, parce qu'il permet de recontextualiser des dimensions proprement bengalies du phénomène. Et il y a plein d'images à prendre, avec des thèmes sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Alors, donc, si vous voulez, je dégagerai quelques points qui me paraissent fondamentaux. La déification a donc des répartitions historiques et sociologiques, voire géographiques. Il s'en faut de beaucoup que toutes les religions lui fassent la même place, et non plus que tous les courants dans la même religion. Vu de Chine, les croyances hindoues paraîtront extravagantes, mais elles le seraient moins aux yeux d'un taoïste, tout de même en mal de longévité, même si c'est la forme modeste de l'immortalité, hein, que d'un confucianiste parfaitement méfiant, hein, à l'égard de cet imprévu, de cet extraordinaire, de cette subjectivité mal réglée, hein, et dont leur ritualisme, vous voyez, bon, ou la religion romaine, qui au départ était totalement étrangère à ça, totalement étrangère à l'idée d'une possession divine, d'une présence des dieux. Les dieux romains, ils sont désincarnés, ils ne sont point dans des vivants. Et dans le seul christianisme, il y a tout de même une sacrée différence, justement, entre un moine orthodoxe hésychaste qui répète la prière de Jésus pour justement se diviniser, et puis un puritain de Max Weber. Deuxième remarque. L'histoire et la sociologie de la déification mènent souvent dans les marges de la religion et de la société. C'est quand même dans les sectes et dans les groupes mystiques, hein, où elle est le plus souvent revendiquée. Dans la plupart des systèmes religieux, la déification semble être rentrée par les marges. C'est dans les sectes, donc, et dans les groupes mystiques. Mais il convient de distinguer, me semble-t-il, deux formes. La divinisation qui achève la consécration d'une personne ou d'une institution en vertu de sa fonction de fondateur ou de médiation, et la divinisation qui est proposée à des individus du commun ou d'exception comme un accomplissement de leur nature humaine ou de leur destinée ou de leur salut ou de leur existence. Je crois que les motivations et les formes diffèrent. La première est une divinisation qu'on peut dire institutionnelle, voire politique. Alors évidemment, l'apothéose des empereurs romains. Hein. De ce point de vue-là, si vous voulez, les débats christologiques, hein, au moment où le christianisme devient la religion d'empire, hein, ont une dimension politique. C'est évident. La divinité de Jésus, c'est pas seulement un problème, c'est un problème politique pour l'Église ou pour les sociétés chrétiennes. Donc, et une déification qu'on peut dire existentielle ou de type mystique. Je crois que là, il y a deux. La première installe l'être divinisé dans un état d'exception, au-dessus des autres. C'est-à-dire, elle lui donne une fonction de médiation. Elle consacre une médiation. Et elle transfère à sa fonction sociale la pérennité et la légitimité du divin. Alors que la seconde est un événement plus intime qui scelle ou qui achève la quête d'un individu à un moment de son parcours. Et en général, soit avant, soit après la mort dans le christianisme, hein, soit avant la mort. Donc, la première prétend contribuer au bonheur collectif, la seconde à la béatitude individuelle, à la réalisation de soi. Alors, voilà. La deuxième remarque que je ferai, c'est que, même dans les sociétés sécularisées, vous l'avez dit, hein, la divinisation est quand même un processus plus ou moins latent. Le culte des leaders magistraux là et des le manager oui, enfin je sais peut-être pas si les managers ça va jusque là mais ben c'est quand même il y a quand même une poussée et puis quelquefois une demande hein, des hommes d'État qui n'ont pas toujours alors selon son lieu social la déification peut donc servir à contester le pouvoir. C'est ce qui arrive dans beaucoup de sectes. Et une des critiques que je ferai à votre article, mais vous l'avez pas, mais vous l'avez en partie corrigé dans votre exposé tout à l'heure, c'est que vous insistiez tellement sur la divinisation dans le tantrisme ou la divinisation du gourou, l'autodivinisation, que vous ne mentionniez pas que dans l'hindouisme, il y a quand même une divinisation institutionnelle. Le roi est un deva, c'est pas un grand dieu, il est soumis à Shiva et à Vishnu, je veux dire. Hein. Mais, comme il y a la formule de Margolin qui est très bien, il n'est pas un dieu parmi les dieux, mais il est un dieu parmi les hommes. C'est remarquable comme formule. Et le brahman aussi. Hein. Donc, là, on est dans une divinisation institutionnelle. Hein. Il s'agit de sacraliser la médiation, c'est-à-dire ce qui assure le fonctionnement de la société. Hein. Alors que, évidemment, la sacralisation du gourou qui fonde sa petite secte et son groupe d'adorateurs, là, on est dans une marginalité sociale. Hein. Tout à fait différent. Donc, la déification peut donc servir à contester le pouvoir, à le délégitimer. Hein. Et là-dedans, là, vous avez des très bons exemples, justement, dans Boise, où on voit très bien qu'il y a des courants anti-brahmaniques très très forts dans la société bengali, et en particulier dans les milieux d'ascètes, qui sont foncièrement anti-brahmaniques. Et là, il y a un débat de fond avec Dumont, hein, où Dumont présente toujours l'ascète et le renonçant comme le complément du brahman parce qu'il veut sauver l'unité et la cohérence de l'hindouisme, alors que Boise présente l'ascète et le renonçant comme un rival du brahman. Donc là, vous voyez, il y a un débat de fond. Donc, la déification peut contester le pouvoir ou le délégitimer, comme elle peut au contraire servir à l'éterniser et à le rendre admirable. Hein. Entre déifier et défier, il n'y a qu'un iota. Hein. Alors, et donc, je crois qu'une des hypothèses qu'il faut prendre, c'est que, qu'elle soit individuelle ou collective, voire institutionnelle, il faut interroger la déification sur son rapport à la transgression et à la norme. soit qu'elles qu'elles servent à sacraliser la norme. Hein, quand on divinise un empereur romain, hein, au fond, même encore aujourd'hui dans le catholicisme, quand on canonise un saint, hein, on sacralise les normes de la... Mais, justement, est-ce qu'il faut poser la question aussi, quel est le rapport de la déification avec la transgression? Alors, je crois que pour le croyant comme pour le sociologue, la déification est un processus interactif entre divers acteurs. Et à bien des égards, c'est un processus de traduction entre un système d'interprétation, les dieux ou le divin, des signes que donne un dieu et des attentes. Je crois que c'est les trois facteurs, hein, les signes, le système d'interprétation, les signes et les attentes, c'est les trois facteurs. Mais ces interactions sont placées à des niveaux différents. Pour les croyants de toute obédience, la divinisation n'est pas inventée ou projetée. Je me méfie du langage de la projection dans cette affaire-là. Parce qu'elle est d'abord subie et trouvée. Je crois que les deux grands signes de la divinisation passent soit par des états subis, hein, et voilà, il arrive à un moment... Ou alors, chez certains ascètes de type renonçant, comme vous avez évoqué, chez les tantriques, il y a une volonté active, et même hyperactive. Car enfin, il y a à se poser la question, pourquoi les ascètes deviennent toujours supérieurs aux dieux? Car finalement, dans l'hindouisme, les ascètes obtiennent un statut qui est même presque au-delà de la divinisation. Ils ont totalement dominé, incorporé la force du Dieu, ou la force du divin. Ça, c'est quand même une question qu'il faut se poser. Et donc, dans le discours des fidèles et des croyants, la divinisation est ou découverte ou retrouvée. Car, en son fond, elle est soit un don, comme dans le christianisme, soit une présence, comme dans les ascètes du renoncement. Il rentre en contact avec un absolu qui est là. Donc, elle est soit un don, soit une présence. Et donc, le processus s'arrête en fixant le nom de la divinité atteinte. Voilà, et l'ascète védantique est dans le Brahman, ou bien le Vishnuite est un avatar de Vishnu, etc. Alors que je crois que pour l'observateur et le sociologue, la divinisation est bien un processus, mais je pense qu'il faut en chercher le Sitz im Leben, et que le Sitz im Leben, c'est quand même au départ les cultes. C'est ce que mettent en œuvre les cultes, ce qu'ils interactivent, que ce soit des transes, des visions, la mémoire des mystères ou la présence des dieux. Et donc, je crois que la divinisation a une part essentielle de théâtralisation qui habite tout culte, puisqu'un culte combine... Un, la trame d'un discours sacré, si vous voulez, un discours sur les dieux, Deux, une mise en scène avec des jeux d'identité multiple des acteurs. Les acteurs, c'est précisément les gens qui agitent des identités multiples, ils en ont au moins deux. Paradoxe du comédien, mais... Et les identifications réussies ou non des participants. Les participants s'identifient ou ne s'identifient pas aux acteurs. Et donc, je crois que c'est dans ce cadre-là. Ça ne me paraît pas du tout un hasard, et ça vous l'avez très bien démontré dans le début de votre intervention, donc je vais être très rapide. S'il me semble que les religions les plus favorables à la déification sont aussi celles qui font la plus grande place au culte des images. Parce qu'il y a un rapport entre le culte des images et le théâtre. Et au sacrement, disons, les religions sacramentelles. Et on comprendrait comme ça pourquoi, par exemple, juste comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des courants comme le protestantisme, alors que la théologie de la grâce est si fondamentale, il n'y a quand même pas de divinisation, parce qu'on est dans une religion où il n'y a plus de culte des images, où il n'y a plus de théâtralisation, et où il y a une réduction drastique du système sacramentel. Alors, il y a un point dans votre exposé sur lequel je ne suis pas d'accord, mais alors ça nous emmènerait, on ne va pas le débattre à fond, c'est quand vous dites la distinction du sacré et du profane n'est pas universelle. Vous avez raison, parce que je crois qu'en Inde c'est difficile de trouver du profane, mais il y a du sacré partout. Et s'il n'y a pas de profane, le sacré s'oppose bel et bien à autre chose qu'est le chaos. Quand vous citez l'avatar, eh bien on est complètement dans le sacré, c'est-à-dire quand le chaos menace, hein, eh bien le dieu descend et puis il retranche les positions, c'est-à-dire il remet les choses en ordre, il empêche le mélange des castes, il empêche la subversion, il en, voilà, et il remet, et on a la coupure fondatrice du sacré, faut quand même pas, hein. Et donc je ferai moi une grande différence entre la sacralisation et la divinisation, car la sacralisation est un processus élémentaire que j'appelle pharmacologique. Hein. C'est-à-dire, je pense que le fond du sacré, c'est quand même ce que j'appelle le pharmacologique. Alors, je ne vais pas vous développer ça, j'en ai écrit 10 pages là-dessus, mais hein. Je vous renvoie quand même, le retour de l'idée de pharmacologie, moi, me paraît quelque chose de fondamental. J'en donne deux pistes. La première, c'est, elle est philosophique. Il faut lire l'article de Derrida sur la pharmacie de Platon. Hein. Et puis les conséquences qu'en tire un philosophe contemporain comme Bernard Stiegler sur la notion de pharmacologie, par exemple dans un petit livre, qu'est-ce qui fait que la vie humaine vaut la peine d'être vécue. Bon, alors c'est un peu touffu, confus, mais il y a plein d'idées très intéressantes. Et puis l'autre voie de la pharmacologie, alors, il y a la pharmacologie des pharmaciens. Hein, ça c'est enseigné dans les facultés de pharmacie et de médecine. Et qu'est-ce que c'est que la pharmacologie des pharmaciens ? Ben, c'est l'art de parler des poisons dont on peut éventuellement faire des remèdes. Vous êtes d'accord ? C'est la pharmacologie des pharmaciens. Eh bien, alors ça, c'est une science de la nature. Mais je pense que la pharmacologie est au cœur des sciences sociales, et c'est quand même ce que Girard nous dit, et qu'à mon avis, il a raison. Et c'est pour ça que j'écris cette pharmacologie-là, non pas avec un C comme celle des pharmaciens, mais avec un K. Parce que son modèle, c'est le bouc émissaire. Qu'est-ce que c'est que le bouc émissaire ? C'est un empesteur, un empoisonneur, mais dont, quand on le traite comme il faut, on peut faire un remède. Et donc la pharmacologie, c'est marqué par le temps, c'est-à-dire c'est tout ce qu'un groupe éjecte comme impur, dégueulasse, salaud, invivable, insupportable, intolérable, tout ce que vous voudrez, hein, mais qui après est réintégré par des gens qui se font forts d'en tirer quelque chose de positif. Et donc, ce mécanisme est à la base du sacré, hein, car le sacré est d'abord monstrueux, abominable, terrible, effrayant, il doit donc être éjecté, mais après, c'est le deuxième temps de la pharmacologie, en prenant certaines précautions, comme exactement en cuisant ou en préparant le curare, on peut en faire un remède, on transforme le poison par une cuisine rituelle, on transforme le poison en remède, hein, et bien par une cuisine sacrificielle, par une, etc., une ascèse, transformation, on va transformer le poison en remède, et même éventuellement en force divine, etc. Et donc, je crois qu'il faut bien distinguer la sacralisation, qui est un processus pharmacologique et qui est le noyau du religieux, et la divinisation, qui est un processus d'anthropomorphisme, c'est-à-dire où on va prêter autour de ce noyau du pharmacologique, qui est le noyau actif, du religieux. Parce que si un dieu n'est plus terrible et en même temps fascinant, ben il perd de la force. Il perd son attrait. Il se banalise, il se neutralise, justement. Et donc, je crois que le processus de divinisation consiste à mettre de l'anthropomorphisme, mais pas seulement au sens physique, la forme du dieu, il a quatre bras et une tête comme des hommes, mais un anthropomorphisme psychique, c'est-à-dire de l'intentionnalité. Car la pharmacologie, c'est mécanique. La pharmacologie, c'est ce qu'on appelle vulgairement la magie. Mais c'est ça, c'est des jeux de force. Ça ne met pas en jeu des intentions. Tandis que quand les dieux prennent une intentionnalité, une personnalité, alors ils rentrent dans une division du travail, vous voyez, ils rentrent dans un panthéon, et puis ils commencent à avoir des sentiments déjà beaucoup plus complexes. Alors, on a ce processus d'anthropomorphisation qui en fait des dieux. Et donc, je crois que une analyse de la divinisation, de la déification, nous obligerait à réfléchir sur ça. Alors ça, c'est très compliqué et très long à expliquer, je ne vais pas le développer en détail, mais je voulais quand même le dire. Je pense que, ça aiderait à comprendre des choses tout à fait étonnantes pour nous, comment les ascètes indiens prétendent arriver finalement à être maîtres de la... à absorber des poisons sans en crever, etc. Ils prennent les pouvoirs du dieu. Ils réussissent à neutraliser le dieu. C'est ça. Et donc, ils sont au-delà de la pharmacologie. Et c'est pour ça qu'ils sont fascinants, parce qu'ils ont, accumulé une puissance extraordinaire. Là, j'ai des textes, là, mais je n'ai pas le temps de... Bon, allez, je conclue. Si on n'en finit pas avec la déification, en particulier sous sa forme mystique, c'est qu'elle semble bien relever d'abord de la sociologie de l'individualité, de l'histoire de la subjectivité humaine et de l'étude des pratiques de subjectivation, y compris des souffrances que des sujets sont prêts à endurer, non seulement pour gagner du large à leur désir de bonheur, mais pour mériter la reconnaissance sociale de leur subjectivité. Cela peut sonner comme un paradoxe quand l'homme moderne se croit volontiers assuré des frontières de son individualité et de sa finitude et craint que la déification ne dissolve la singularité individuelle dans un divin trop vaste ou fumeux. Mais je crois qu'il faut comprendre que l'histoire du mysticisme, c'est l'histoire, si vous voulez, de l'introduction, et l'histoire de la déification, moins la déification politique, un phénomène institutionnel qui fonde la médiation, mais la déification individuelle, personnelle, revendiquée, recherchée par une ascèse, par une dévotion, etc. C'est l'introduction de la subjectivité dans le religieux. Et là encore, je tiens à mon idée que le sacré est fort utile parce que le sacré ne connaît pas l'individu et il ne connaît pas la subjectivité. Le sacré est un phénomène mécanique, c'est un phénomène de structure. Alors que la complexification des dieux, la complexification des panthéons et l'identification des individus avec les dieux permet une projection de la subjectivité et l'introduction de la subjectivité dans les systèmes religieux. Donc, c'est toute l'histoire de la conquête de la subjectivité. Là-dessus, je ne fais au fond que développer l'idée de Dumont, qui là me paraît tout à fait juste. L'histoire de l'individu hors du monde, du renoncement, tout ce côté entre guillemets mystique du monde indien, c'est parce qu'ils ont découvert l'individu dans un système qui ne prévoit pas sa place. Alors, si je pouvais revenir sur, par exemple, là, notre Bengali là, qui se prend pour Krishna, on pourrait montrer ça, comment elle est tout à fait dans une position de déviance par rapport à l'orthodoxie hindoue, et qu'au fond, elle se bat pour une reconnaissance d'une subjectivité religieuse qui a priori n'a pas de place dans le système, et qui est fait reconnaître par des adeptes qui s'identifient à elle, donc qui se reconnaissent dans sa démarche et dans sa demande. Et donc, d'ailleurs, Scholem dit dans son histoire de la mystique juive, la mystique commence avec la religion de l'individu. Vous pourrez dire, là, c'est les débuts, c'est cette revendication là, de subjectivité. Autrement dit, la déification rappelle que le sujet a dû naître extramondain, s'en étonner serait oublier qu'il l'est toujours, pour autant que le propre de la subjectivité humaine est de pouvoir devenir toute chose. Je cite Aristote dans le latin de saint Thomas, « Mens humana est quodam modo omnia ». L'âme humaine est d'une certaine façon toute chose. L'homme peut s'identifier à tout, donc y compris à des dieux. Et d'autant plus que cette âme humaine naît dans l'ignorance d'elle-même, ce qui la contraint de partir à la recherche de soi, de sa forme et de son identité. Dans l'infinie diversité de ses conditionnements historiques et sociologiques, cette plasticité est donc toujours condamnée à trouver puis affirmer ses potentialités et ses aspirations. Et donc dans les sociétés où la subjectivité n'est pas reconnue, eh bien, les individus vont les chercher, vont chercher la forme divine qui leur convient dans des groupes marginaux. On pourrait conclure, c'est peut-être Bergson qui a écrit, « L'univers est une machine à faire des dieux ». En effet, mais où les territoires de la déification semblent subjectivement frontaliers de ceux de la mégalomanie comme de la quête du bonheur, de l'illusion comme de l'héroïsme. Parce qu'il y a aussi de l'héroïsme dans ces histoires de déification. Et sociologiquement, de l'effort de stabiliser les formes sociales qu'elle a souvent contribué à faire naître. Ah, oui, mais il y a déjà du vin qui est déjà moulu, si je puis dire, parce que là, vraiment, c'est moulu. Un grand merci. Je rebondis juste très rapidement, j'aimerais évidemment écouter les autres réactions, mais ça demande beaucoup, il y a beaucoup de choses. Oui. Je vais aller dans, là où je vais complètement dans votre sens, c'est sur la théâtralisation. Juste quelque chose qui donne aussi du grain à moudre. Le concept d'avatar. Oui. En fait, viendrait du théâtre même. C'est justement l'acteur qui entre sur scène. Et ça, c'est une étude qu'on doit à Riker, et qui montre très bien comment effectivement ce terme en fait est venu du théâtre et rentré dans le religieux. Donc, ça irait complètement dans ce sens-là. Je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Voilà, pour citer. Après, il y a beaucoup de choses. Votre lecture de Dumont, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur toute votre lecture. Ah ben moi, je défends pas les positions. Non, justement, à un moment, il ne défendait plus, mais dans l'absolu, je suis pas d'accord avec sa thèse de trouver l'individu chez l'ascète. Il a besoin de cette construction-là parce qu'il est dans une démarche comparatiste. Et après, il vient en Europe et il faut qu'il trouve l'individu avant. Mais vous l'avez très bien dit vous-même, ces processus de déification, ils rentrent dans, en fait, tout le temps dans des institutions. Et même, peut-être je l'ai laissé entendre, mais alors je me suis mal exprimé, dans l'autodéification, elle est évidemment institutionnalisée, parce que sinon on la verrait pas, on n'en entendrait pas parler. Complètement, il n'y a pas de création possible. Voilà, sinon il n'y a rien. Oui, tout à fait. Il y a toujours. Et le cadre institutionnel, c'est quelque chose contre. C'est ça. La divinisation ou la déification se gagne toujours contre des formes religieuses. Oui, mais quand vous dites, je ne sais pas si c'est vraiment la formule contre, parce que votre distinction est vraiment très très importante. Des deux versants, le versant 1 et le versant 2 dans votre exposé. Mais il n'y a pas de versant 2 sans le versant 1, et pas simplement en termes de contre. J'allais dire, la déification subjective, elle est possible parce qu'il y a un cadre social qui lui permet d'advenir. Et c'est pas du contre, ça. J'allais dire, c'est de s'en nourrir, c'est de s'en... Oui, mais alors c'est là qu'on rentre dans les... C'est là qu'il faudrait, je crois, creuser le problème de la pharmacologie. C'est-à-dire... Parce que moi, ce que je crois qui est fondamental dans la pharmacologie, c'est à la fois qu'on, en même temps, et c'est au cœur du processus des valeurs, on repousse quelque chose et on attire en même temps. Donc on s'appuie sur quelque chose qu'on repousse, et donc c'est contre parce qu'on le repousse, mais c'est sûr parce qu'on s'appuie dessus. Vous voyez, et donc le renonçant avec le brahman, il est exactement comme ça. Il refuse le système du mérite et tout ça. Enfin, il veut pas se soumettre aux impératifs de pureté parce que c'est un carcan épouvantable. Mais il se met à plein d'autres impératifs. Il rentre dans un autre. Mais il va rentrer exactement. Et puis les brahmanes vont resécréter quand même pour les renonçants. Ils ont essayé de les récupérer. Et de les neutraliser, justement, parce qu'ils sont subversifs, hein, parce qu'ils foutent en l'air le système du pur, donc ils vont le remettre. Je voudrais pas développer, je voudrais simplement poser une question. Que je suis étonnée de ne pas avoir rencontré un mot et savoir comment il se, une figure, un personnage, qui, comment il trouve sa place dans tout ce, ce dispositif que vous avez décrit. C'est la question de la figure du Messie. La question. La figure du Messie. Parce que on est là aussi dans une situation où on est. Alors est-ce qu'on est dans un autre, dans une autre configuration, ou bien est-ce que quelque part il a quelque chose à voir avec les questions dont on parle ce soir? Parce que pour reprendre simplement la question du judaïsme, il n'y a pas de d'identification à Dieu, et la quête du Messie, la quête du mystique. La montée céleste et même la mystique du char céleste, etc., ça n'est pas une. C'est se fondre en Dieu probablement, non. Mais enfin, ça fait partie des. Il y a différentes théories, bien entendu, mais la conclusion à laquelle arrive Scholem dans cette affaire, c'est qu'il dit on monte, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce qu'en fait, on n'y accède jamais. Voilà. On n'y accède jamais, toujours. Ouais. Et donc ça, finalement, c'est une voie qui conduit à une impasse, un chemin qui conduit à une impasse, d'une certaine manière. En revanche, il y a une figure messianique. Alors, cette figure messianique, ça peut être un personnage, mais ça peut aussi être, vous avez parlé de géographie et d'histoire, ça peut être un temps. Et donc, cette quête d'absolu, finalement, de se fondre dans quelque chose qui est hors de soi, qui est dans un dépassement des frontières, peut prendre d'autres figures. Alors, évidemment, moi la première question que j'avais écrite dans les marges, quid de Jésus, bon, tu en as parlé, etc. Et quid de la figure. Mais, alors Jésus, bon, ben. Tu vois bien qu'on est dans le cadre d'une problématique des choses qui adviennent. Et c'est bien là que la distinction entre Messie et Dieu advenu, si je puis dire, est importante. Ta question est importante. Parce qu'effectivement, ce sont deux réalités à mettre en rapport. Dieu est venu pour ceux qui sont dans le consensus. Pour la déification. Voilà. On n'est pas dans le temps de l'attente. Oui, mais c'est ça. Ouais. Mais peut-être même Dieu est à advenir quelque part. Si on sort d'une ontologie platonicienne. Parce que la question reste posée, malgré tout. Il est à venir, mais on pose les termes justement dans une problématique de l'avènement. Tandis que là, on est dans la problématique de l'attente avec le Messie, ce qui est une distinction importante. Moi, je crois que le thème est lié, quand même, de la déification est très très lié au terme du problème de la limite et de la transgression de la limite. Ma question. Ne s'inscrit pas directement dans le fil de cette discussion. J'ai été frappée en vous entendant, bon, j'ai trouvé ça absolument passionnant, et l'ensemble des interventions. Une chose me frappe, c'est la manière dont. J'avais rencontré cette question de la déification dans un contexte tout à fait et ultra contemporain, qui était celui des religions séculières, de ce qu'on a appelé dans le débat sur les religions séculières, sur le statut qu'on devait donner à des productions d'héroïsation pouvant aller jusqu'à pouvoir être considérées comme des équivalents des dieux. Je pense par exemple aux travaux sur le culte de Lénine, après sa mort, à un très bel article qui avait été fait sur sur Nkrumah et sur la manière dont il s'était construit comme un dieu. Alors, les religions séculières ont beaucoup. Le débat sur les religions séculières s'est beaucoup emparé de cette question en demandant toujours est-ce que c'est métaphorique, est-ce que c'est une façon métaphorique de s'exprimer, c'est-à-dire d'aller chercher dans les religions de quoi parler de ce qu'on est en train de faire, ou bien est-ce qu'on est dans en fait une véritable production religieuse comme telle. Alors ça, c'est une question que je laisse en suspens parce qu'elle est un peu indécidable. Mais elle a été, on a vu pendant les années 70-80, beaucoup, beaucoup tourner autour de cette question dans le débat sur la définition de la religion. C'était un point très, très crucial qui, en fait, ils sont comme des dieux, comment faut-il l'entendre? C'était vraiment ça la question. Alors, j'ajouterais une deuxième question, parce que malheureusement, j'étais obligée de filer très vite à 5 heures, donc finalement, le propre de l'opération de déification, eh bien, c'est justement d'annuler la distance entre les deux termes, entre l'homme et Dieu. Donc, en abolissant la distance entre les deux termes, on produit des effets qui sont, par définition, des effets extraordinairement contradictoires. Absolument. Et en particulier, on annule le terme humain dans le divin, mais on annule aussi le terme divin dans l'humain. Et je pense par exemple à tout le débat théologique qui n'était pas de très très haute volée, mais qui malgré tout ne manquait pas d'intérêt dans le moment sécularisateur où il est intervenu, qui est de toute la question des théologies de la mort de Dieu, le fameux Dieu est mort en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en abolissant les deux termes, on produit à la fois des effets sacralisateurs, mais également des effets extraordinairement sécularisateurs. Et donc, en fait, cette espèce de retournement de la formule d'Irénée, que Dieu soit homme pour que l'homme soit Dieu, devenant, dès lors que Dieu est homme et que l'homme est Dieu, Dieu disparaît. Absolument. Et donc, on est dans une logique de neutralisation du terme divin, qui est une puissance sécularisatrice considérable. Et qu'on trouve, alors, pour le coup, dans toute une tradition philosophique aussi, et qui se prépare dans toute une tradition philosophique. Donc, c'est ce qui me paraît très très intéressant, cette notion de déification, c'est qu'elle produit des effets de saturation du terme divin, mais ces effets de saturation ont des effets de purge du terme divin. Alors, c'est aussi, on est toujours dans la pharmacologie, c'est pas seulement poison remède, c'est aussi saturation et évidement. C'était juste une remarque qui m'est venue, puisque effectivement, pour qu'il y ait un processus de déification, il faut qu'il y ait deux termes. Et la logique du processus, c'est d'abolir les deux termes. Donc, de faire produire à ce processus même des effets radicalement contradictoires. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose sur la question par rapport à ce que tu as dit, Dominique, sur le rapport entre divinisation et sécularisation à propos de Rousseau. Parce que je suis très perplexe sur ce raisonnement, et en particulier sur le fait de placer dans une sorte de séquence chronologique ce rapport entre les... En disant ce passage des saints aux grands hommes, et en particulier parce qu'il me semble que l'un des enjeux de la réforme de la conception des saints à l'époque moderne est précisément une sorte de machine de guerre quasiment a priori contre ce que Monti démontre ensuite des grands hommes. Et que toute la question, après dire quasiment intenable, des procès pour non-culte précède la reconnaissance de la gloire, est une espèce d'instrument critique, précisément, de la notion de célébrité. Donc il y a une non-correspondance entre... Parce que ces deux étapes qui vont précéder la gloire, celle des grands hommes et celle des saints, on a la célébrité des grands hommes, et on a cette espèce de machination étrange de la réputation de sainteté qui n'est pas encore la célébration d'un culte, et qui par conséquent est une sorte de critique du régime de célébrité des grands hommes vivants, justement. Donc, je ne suis pas tout à fait sûr. Ceci, tu sais, je suis réservé sur la thèse de Nietzsche. Oui. Parce qu'elle manque, en fait, elle manque ce qui fait la spécificité de toute la question de la sainteté à l'époque moderne. Parce que dans l'article, c'est vraiment le hasard qui m'a fait lire ça hier, moi je ne connais pas du tout l'argument au terme de Lilti, j'imagine qu'on va pouvoir lire dans un livre bientôt, sur la genèse de la célébrité pour lui. Parce que dans l'article, il fait absolument pas allusion à l'évolution de tout débat sur la sainteté. Si tu veux, il développe longuement la question de l'autoconstruction, de l'homme célèbre qui est Rousseau, en l'occurrence, et de cette caractérisation en des termes divins, hein, qui sont assez frappantes, telles que vous l'avez vu. Mais comment est-ce que tout ça se construit, hein? J'ai pas la moindre idée. Il rentre dans le débat sur les saints modernes, Ah oui, parce qu'il en fait véritablement. Dans ses travaux ? Non, moi, j'ai encore rien vu de Miltiades dans les dessins. Il y a vraiment une sorte de passage du saint. De passage de la célébration à la célébrité, le tout arrivant dans les deux cas à la gloire. Simplement, cet équivalent de la célébration et de la célébrité qui ne fonctionne pas dans la sainteté moderne. Alors là, débat effectivement à reprendre point par point. Moi, je ne connais pas du tout ces thèses. Oui. C'est un débat passionnant. Ouais. Parce qu'il y a toute une question sur la sécularisation qui est dans. Oui, bien sûr, la construction de la célébrité. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Moi, j'ai juste une petite remarque par rapport à la religion des Romains. Parce qu'en fait, il est très intéressant, et ça va dans votre sens, quand le Sénat établit qu'il y a une nouvelle divinité, il n'utilise jamais le mot Deus, mais toujours le mot Divus. Divus. Ah, ben voilà. Donc oui. Il y a toujours une différence entre les deux possibilités de créer une divinité. Les empereurs sont dit oui, les empresses sont dit oui, etc. Donc, tandis que dans les Grecs, il n'y a que le mot Théos pour définir même les empereurs. Bien, nous sommes obligés de sortir parce que nous avons des...